un virage historique à la fin des années 60, quand un jeune entrepreneur est allé voir les municipalités en leur disant « Regardez ces gens qui attendent l'autobus comme ça dans votre ville, et bien quand il pleut, c'est intolérable. Moi, je vais vous construire un abribus. Alors ça ne vous coûtera rien, c'est gratuit, en échange, vous me laissez exploiter l'espace publicitaire de cet abribus. »